actes principaux et violences de son consulat. En prenant possession de sa dignité, César établit le premier que l'on tiendrait un journal de tous les actes du Sénat et du peuple, et que ce journal serait rendu public. Il fit revivre aussi l'ancien usage de se faire précéder par un huissier et suivre par des licteurs, pendant le mois où l'autre consul aurait les faisceaux. Il promulgua une loi agraire, et comme son collègue s'y opposait, il le chassa du forum par les armes. Le lendemain, celui-ci porta ses plaintes au Sénat. Mais il ne se trouva personne qui osa faire un rapport sur cette violence, ou proposer de ces résolutions vigoureuses qu'on avait si souvent prises dans de moindres désordres. Bibulus, au désespoir, se retira chez lui, où il se tint caché tout le temps de son consulat, ne manifestant plus son opposition que par la voix des édits. De ce moment, César régla tout dans l'État à sa guise, si bien que des railleurs, avant de signer leurs lettres, les dataient par plaisanterie, non du consulat de César et de Bibulus, mais du consulat de Jules et de César, faisant ainsi deux consuls d'un seul, dont ils séparaient le nom et le surnom. On fit aussi courir les vers suivants. « Ce que César a fait, qui d'entre nous l'ignore ? Ce qu'a fait Bibulus, moi, je le cherche encore. » La plaine de Stella, consacrée par nos ancêtres, et le territoire campanien qui était resté soumis à l'impôt, pour les besoins de la République, furent distribués par son ordre et sans que le sort fût consulté à 20 000 citoyens, pères de 3 enfants ou d'un plus grand nombre. Les fermiers de l'État demandaient une réduction. César leur remit le tiers de leur fermage et les engagea en public à ne point enchérir inconsidérément à la prochaine adjudication des impôts. Il en était ainsi du reste. Tout ce que l'on convoitait, César en faisait largesse. Personne n'osait s'y opposer, et quiconque l'osait se voyait en butte à ses vengeances. Caton, l'ayant un jour tenté, il le fit traîner hors du Sénat par un licteur et conduire en prison. Lucius Lucullus, qui lui avait résisté avec trop de hardiesse, fut si épouvanté de ses menaces qu'il lui demanda grâce à genoux. Cicéron, dans un plaidoyer, avait déploré le malheur des temps. Le jour même, à la 9e heure, César fit passer dans les rangs plébéiens le patricien Publius Clodius, ennemi de Cicéron, et qui depuis longtemps tâchait en vain d'y entrer. Voulant finir avec ses adversaires, il suborna Vétus à prix d'argent pour qu'il déclarât que quelques-uns d'entre eux l'avaient engagé à tuer Pompée, et qu'amené au forum, il nomma les prétendus auteurs de ce complot. Mais Vétus accusant sans preuve tantôt l'un, tantôt l'autre, la fraude fut bientôt soupçonnée, et César, désespérant du succès d'une entreprise aussi imprudente, fit, dit-on, empoisonner le dénonciateur.